Bildu bat baltzak, nortu izan egrame Kopuña notaita, nortu izan balime Jalpan egriki, zemame itxarre Iztame zizketxikti, bieldoro Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de À l'Ouest, un nouveau, aujourd'hui consacré à un label russe. Salut Souris. Salut Milky et salut tout le monde. Comment qu'il s'appelle ce label? Tchernaya Plochad, qui veut dire Black Square ou Place Noire. Alors moi je pense que c'est en réponse à la fameuse Place Rouge, n'est-ce pas? Mais bon, c'est mon interprétation. En tout cas, ouais, ça faisait un bout de temps là que je voulais faire un petit peu le point sur la situation avec les groupes russes, vu qu'il y en a plein qui sont complètement partis en cacahuète en mode à soutenir Poutine et sa politique. Donc bah voilà. Hein. Du coup, t'as pas trop envie de les passer forcément. Ouais, c'est clair. Et du coup, sans trop savoir, t'as vu l'année dernière, on a pratiquement rien fait sur la Russie, à part voilà quoi, quand il y avait des groupes, on était vraiment sûrs, quoi. Et encore, même des fois, on a encore eu des mauvaises surprises après, même quand on pensait que c'était cool. Ouais. Ça, je me souviens de cet épisode. Donc bon, voilà quoi. Là, en fait, c'est un label qui s'est formé. Alors, récemment, il y a 6 volumes de compiles hein, déjà là qui ont été faits, donc c'est quand même un sacré boulot. À peu près 195 groupes originaires de Russie qui y ont participé, et il y a encore des volumes là qui vont venir. Ils ont prévu de faire 7, 8 et 9 apparemment encore. Ah ouais. Ouais. Donc le label, il a été créé en fait après le début de l'offensive russe contre l'Ukraine en 2022. D'accord. Les personnes à l'origine du projet, elle a dû fuir la Russie, hein, voilà, comme pratiquement toutes les personnes qui s'opposent ouvertement à Poutine et à sa guerre, quoi. Vu que les risques qu'ils encourent sont assez énormes, des peines de prison super lourdes, la torture, l'enrôlement forcé, enfin voilà, et autres joyeusetés, n'est-ce pas? Donc c'est le label aussi là qui a sorti le dernier album de Crispy Newspaper. On en avait déjà passé. C'est un Ouais. groupe de Yakoutie. Ouais, je me Et souviens. le chanteur, en fait, il a été officiellement déclaré terroriste. Ah, c'est celui qui avait fait une banderole. Ouais. Et il a dû aussi fuir. Heureusement, il a réussi à fuir la Russie, hein. Donc voilà. Bon. Et donc le manifeste du label, je vais vous le lire, hein, je l'ai traduit. Donc voilà. Des villes ont été détruites, des dizaines de milliers de morts, des millions de réfugiés et la crise économique, la torture, la terreur et les mensonges de la propagande sont devenus quotidiens. Mais la dictature de Poutine ne suffit pas. Ils ont besoin de plus de territoire, de plus de pouvoir à tout prix. La protestation contre les guerres, la violence d'État et diverses formes de discrimination faisaient partie de la scène punk. Mais notre voix a commencé à s'éteindre à cause de la répression. Alors maintenant, nous devons nous unir plus que jamais. Regardez autour de vous et rappelez-vous que chacun de nous n'est pas seul à combattre cette horreur. Nous sommes nombreux et côte à côte, nous déclarons avec confiance, nous sommes contre la guerre déclenchée par la Russie. Laissez la musique nous unir et nous inspirer à nouveau pour la paix et la liberté, unis et arrêtons la guerre. Voilà. Donc au moins, c'est clair. Voilà. C'est clair. Le projet, il est à but non lucratif et il transfère les dons collectés quand vous achetez en fait sur Bandcamp. Vous pouvez trouver facilement en fait, vous tapez Black Square, vous allez trouver le label et les compiles et du coup vous pouvez acheter les compiles et tout ce qui est collecté, ça ira pour aider en fait les réfugiés ukrainiens. Voilà. D'accord. Et on Donc parlait juste... Pardon, vas-y. Non, du coup, oui, j'ai choisi quelques morceaux. Alors, les compiles, elles sont là pour l'instant. J'ai choisi vraiment juste quelques morceaux. Il y en a encore, je sais pas combien. Ce n'est que le début. Donc, il y a plein de groupes qu'on n'écoutera plus, qu'en tout cas, on ne passera plus ici, comme par exemple ces chers Purgen, n'est-ce pas? Ça fait un peu mal, on aimait bien, mais bon, tant pis. Quand on devient vraiment trop con comme eux, c'est juste pas possible. Mais du coup, voilà, là, ça fait chaud au cœur déjà de voir les gens se bouger. Et puis surtout, il y a encore plein de bonne musique. Voilà. Je n'en doute pas. Et d'ailleurs, on va commencer tout de suite l'émission en Yakoutie avec Crispy Newspaper. C'est ça. Avec le titre Timir Souol, qui veut dire ligne ferroviaire. C'était les Yakouts de Crispy Newspapers avec le morceau Timir Swall. Et on va aller maintenant du côté de Saint-Pétersbourg avec Avec Shpakval. Chpal, ouais. Apparemment, c'est un nom de torpille. D'accord, bah, on reste dans le thème. Voilà. Et le titre, c'est Narukar, qui veut dire à portée de main. C'était Kshbal avec, c'est ça, hein, Kshbal, avec Naruka à portée de main. Et nous allons maintenant poursuivre avec un groupe qui s'appelle Pourrir Terror Machine. Poutine, Là, j'ai dit quoi? c'est du pourrir, mais pourri Ah, wow, Poutine, c'est bien. c'est bien. Hein. C'était plutôt ça colle. Hein. Oui, donc bon, rien que le nom du groupe, je veux dire, c'est bon, on a tout compris. Hein. Poutine Terror Machine, je pense que voilà. On n'a pas besoin d'expliquer plus loin. Et le titre, c'est Scrappy. Et alors, la traduction que j'ai trouvée, c'est attache, lien, accolade. Donc, au choix. C'est friendly, quoi. Ouais. Bah, ça dépend quel genre d'attache ou lien. Ouais. Ou après, Ou sinon, c'est d'accolade, l'accolade. si c'est une accolade. Oui, si c'est une accolade, ouais. C'était Poutine Terror Machine avec Skripi. Et on va aller du côté de Moscou avec Zarazar. Ouais, Zaraza avec un chant féminin et le titre Apocalypsis. Государственная граница, мортального срыва, тотальное искусство. Et voilà pour les Moscovites de Zaraza avec Apocalypsis. Nous allons aller maintenant du côté de Voronej avec Régime. Régime, qui, si je ne me trompe pas, avait aussi participé à la compile. Ouais, en effet. Ouais, compile Tribute to Camera Silence, hein, il me semble bien. Ouais. Ma mémoire ne défaille pas complètement vu que je suis en train de fondre sous 35 degrés là. Je pense que je suis aux portes de l'évanouissement. Mais bon. Et du coup, le titre, ouais, c'est. Voilà, purée, attendons. Fallait que je me prépare là. C'est Radio Voy Shamsoudinov, qui veut dire soldat Shamsoudinov. C'était Régime avec Sol. Non, t'as dit quoi? J'ai oublié comment t'as dit. Riadovoy. Shamsoudinov. Voilà. Yadovoï Shamsoudinov. De Régime, de Voronej. Et allons maintenant, sans transition aucune, à Moscou écouter The Zapoy. Ouais, de Zapoy, bah, qui alors eux avait été très rapide hein, d'ailleurs à faire une déclaration aussi plutôt très claire hein, sur leur condamnation de l'attaque russe envers l'Ukraine. Donc, il laissait pas le doute en tout cas. Hein. Il disait clairement que s'il y a des gens qui soutiennent ce genre de conneries, qui s'abstiennent d'écouter leur musique. Donc C'est clair. voilà. Et là, le titre, donc, c'est Novimir, qui veut dire Nouveau Monde. On l'attend. C'était The Zapoy avec Novimir. Et on va rester du côté de Moscou avec Bistrit. Ouais, By Street, le bon oi punk formé en 2005 et le titre Liberta. Thank you. C'était By Street avec Liberta. Et on reste encore une fois à Moscou avec Choice. Choix, j'imagine. Choix. Enfin, c'est écrit comme en français, en Ouais, bah oui, choix. c'est pour ça que je C'est suis un assez. peu je suis paumé. C'est... Alors, comment le. Ouais, comment le prononcer? Je ne sais pas. Écoute, est-ce qu'on le prononce à la française ou est-ce qu'il faudrait qu'on fasse ça à la russe? Aucune idée. C'est un petit peu. Bon. Écoute, on va. Ouais. Pour une fois, du coup, on va aller vers la facilité. Hein, puis voilà, parce que. De toute façon, vu que c'est en alphabet latin. Ouais, bah oui, c'est ça. Du coup, c'est comme on dit nous. Bah voilà. D'abord. Ouais, point final. Voilà, un groupe donc qui se décrit comme contenant l'ironie du punk, la colère de la oï et la passion du hardcore. Ah, rien que ça. Voilà. Et le titre, c'est Droug, qui veut dire ami. Et on en sait quelque chose ici, n'est-ce pas? Ah oui. Друг, я никогда не просил твоих услуг. Ты дверь скорей закрой и поверни спиной. Я не хочу с тобой делиться петлей. Не будет больше слов и нет разбитых лбов. Избавим всех от обвешенных крестов. Но если ты все ждешь, пока ты не уйдешь, тебе воткну я в спину свой последний нож. Мы будем долго спать, я висеть, а ты лежать, и больше нам с тобой нечего решать. Теперь нам все равно, пустил тебя на дно. Не сможешь свою тену, что ты всех одно. C'était Choice avec ou Choix ou comme vous voulez, vous avez le choix. Et les morceaux, Droug. Et nous allons terminer cette émission, toujours du côté de Moscou, avec cette fois-ci The Zavod. Ouais, du coup, alors a priori ça veut dire usine, hein, Zavod, c'est ce qu'on gardait. Et le titre, Onivrout, qui veut dire ils mentent. Et tiens, on se demande bien qui y parle. Ouais, j'ai un doute. Quel gros doute, hein. Они врут, врут, врут, врут. Каждый день по звездам. C'était The Zavod avec Olive Root pour terminer cette émission consacrée, cette première émission consacrée au label Black Square. Ouais, et donc grâce à ce label, eh ben, on va pouvoir refaire un petit peu des émissions avec quelques groupes russes, quoi. Avec même pas mal, hein, parce Ouais. que vu le nombre là qui ont participé au compile, il y a de quoi faire. Hein. Puis là, vraiment, ce que je fais, enfin voilà, c'est pas un best-of ni rien, c'est juste que bah, faut bien choisir des titres Oui, bah parce oui. qu'il faut passer. Donc C'est voilà quoi. clair. Eh ben, en tout cas, merci pour la sélection et la présentation de l'émission, Souris. Et bah, avec plaisir, comme d'hab. Et on se retrouve la semaine prochaine. C'est ça, toujours là, hein. Toujours là, Comme sur des ton guide tiques. radio. Ouais, Et restez allés. Parce que... Oh putain. Ok. Ça sort de nulle part, mais bon. les trucs qui s'accrochent là. Ouais. Est-ce qu'on est infecté par la maladie de Lyme? Bon, écoute, pas que je sache, je pense Bon. que. Bon, bah, c'était On a déjà assez de problèmes. des tics sympas, quoi. Je On file pas de sais pas si maladie. ça existe, ça, mais bon. En tout cas, sur ces bonnes paroles de parasite, restez à l'écoute car la voix de la Oi ne s'éteint pas. Salut! Salut!